waaw nak salam aleikum wa salam de production ñoo ñu waat nak di leen indaale benen lepp waaw xamal na nak ñu ngeen ñu deg mais bon on est là nako sama gaay nak benen lepp la la indi loon nak ki nak benn boy tuguloor lu won ko ndey sa han tuguloor lañ boy tuguloor ma boy xam na dem param damay jaay abou tamuy jaay soow ko abou ma boy dama don sol sama do waaw dam non sol sama do bu bleu bi ni bob bi xawon ay gomi ni ko defal bleu bi ni quoi si si si ouais mom la lay boy xala boy bi boy ma mom ñu bokon sen do quoi boy xala ba ay mois de juin affaire yo non boy inspecteur wara ñu quoi boy si classe bi quoi boy bi dafa nul tellement boy mais kenn rendu kenn xamul boy bi nonu quoi prof bi sax rendu compte na boy si classe bi la nek quoi tellement ko boy dafa nul boy degu sax olof bu baax quoi léegi nag benn jour inspecteur war a ñëw si school si classe bi quoi affaire yooyu noonu léegi inspecteur ba mu waree ñëw nii xam nga rek prof bi di jaay ne moom moom c' est un professeur boo xamante ni boo xam ne il est irréprochable quoi affaire yooyu waaw di jéem a jaay njàngu-njàngu xam nga rek super sang bi ñaaw boobu ak tëgg waaw xam nga rek ak madras merci xëyee di nag léegi nag benn jour boo kii ba mu ñëwee inspecteur ba mu ñëwee affaire yooyu noonu di ba professeur bi di bind ah affaire yooyu noonu boy di naan muy introduit benn boy ba mu naan kan ah affaire yooyu noonu bind ay peu ay boy di naan peu merci yow moom jàngal si si laa ba yow aay nga léegi nag benn instant boy prof bind oo boy classe bi boy am benn silence boy kii boy yëpp na tekk boy waaye yow mos nañ ko gis sax mais xam nga rek boy dañu nuyu. Toog ba si yàgg rek boy benn boy abu tëb gars yi boy dafa tëb rek prof bu tiib gars yi ne kii kàlla ne kii kàlla si xelam boy rek pour mu naan kan ko miŋ professeur ko miŋ monsieur déggul français noonu xam nga rek naan ko miŋ monsieur rek prof bi commencé tiib ne kii moom su ma ko interesse baa du ma ruslo fii sama kanam naw lay waaw dégg de rek mu toog ba si yàgg rek mu interesse boy bi ne ko nii ne ko oo rek boy bi rek professeur bi ne ko c'est bien jeune homme rek mu ne ko oo ko pël oo